Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosecrans.com pour le 37e numéro de Sur nos écrans. Un numéro durant lequel on va faire le bilan à mi-saison 2 de The Flash, la série de la CW. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 37e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi donc pour parler de The Flash, Arnaud. Salut. Elodie. Bonjour. Irish. Salut. Et Léo. Salut. The Flash cette semaine. Alors The Flash nous avait complètement enthousiasmé sur la saison 1. Le début de saison 2 un peu décevant ouais. Pour certains et certaines. Et puis voilà, on s'était quitté 5-6 épisodes je crois la dernière fois dont on avait parlé de la série. Ouais, c'était ça, oui. Avec quelques réserves quand même qui apparaissaient. Donc on va voir si elles ont été levées ou si les choses se sont amplifiées entre ceux qui aiment beaucoup et ceux qui étaient un petit peu réservés. Elodie, je vais te laisser commencer puisque je crois avoir compris que toi, clairement, c'est non. C'est pas totalement non, mais moi déjà en première saison, j'étais très sceptique sur la série. Enfin, jusqu'à à peu près l'épisode 14, que je l'avais trouvé ça quand même assez ennuyant. Et disons que c'était un peu pour moi le monde des bisounours, Flash. J'avais dit déjà au bilan. Comment? C'est vrai, je me rappelle maintenant. Ouais. Ça s'améliorait en fin de saison. J'attendais de voir donc les conséquences de la fin de la saison 1 sur la saison 2, qui au bout d'un épisode, finalement, tout a disparu, hein, clairement. Donc la mort d'Eddie, je sais pas, personnellement je trouve qu'il n'y a eu aucune répercussion sur les personnages, en particulier sur Iris. Pareil pour la mort de... j'ai perdu son nom. Marie-Kathine. Ronnie. De Ronnie. Ah oui. En 2 secondes, elle l'a oublié en voyant un autre. T'es un peu dur hein, en 2 secondes, parce que... Pas 2 secondes, hein. Plutôt 5 épisodes. Bah ouais, ouais. En début. Pas que 5 épisodes, j'ai l'impression qu'il pleure tout le temps sa mort, depuis le début. Ça se voit pas trop, parce que nous on a une ellipse temporelle en début de saison, donc ok, c'est passé plusieurs mois où genre elle est partie ailleurs pour oublier et tout, mais au bout de la fin du premier épisode, ça y est, ils sont tous réunis comme dans la saison 1. Et le Harry Wales qui vient de l'autre monde, de Terre 2, qui arrive, qui reprend à peu près, à quelques détails près, le même rôle que le Dr. Wales de la saison 1 qui était méchant. Quelques détails près, on va dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, à la base, il est pas méchant, mais. Quand on savait pas que Wells était méchant, enfin c'était exactement pareil quoi. Il y a pas énormément de différence. On va revenir sur tous ces points parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. T'en avais peut-être un dernier. Bah non, bah juste la team était réunie pour faire. Enfin voilà. Après on a juste le fil rouge de Zoom qui est plus ou moins intéressant là-dessus. Donc il y a des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres quand on se concentre par exemple sur Zoom. Je crois que c'est l'épisode 6 où il est là. Ça c'est vrai, oui. Voilà, il y a d'autres épisodes qui sont beaucoup plus en dessous, et que dire, à part que je trouve que tous les personnages sont toujours aussi cruches, la plupart, à part Cisco, je trouve qu'il remonte le niveau de la série. Personne va te contredire là-dessus. Voilà, après je pense que j'ai d'autres choses à dire, mais je vous laisse... Ouais, alors... Quel personnage disait relever le niveau de la série? Comment? Cisco. Ah, Cisco, oui, d'accord. Pardon, excuse-moi. Mais... Alors, chacun juste, on va continuer à placer un petit peu notre avis de quel côté on se situe. Est-ce que je me trompe en disant que Elodie est plutôt la seule à avoir une position aussi négative? Oui. Moi, je n'ai pas une position négative, mais j'ai une position quand même un peu mitigée. C'est pas négatif du tout. C'est une série dont je prends le plaisir à regarder toutes les semaines. J'attends toutes les semaines d'avoir un épisode qui sort. Mais par contre, je sais. Bon, peut-être parce que j'ai ma sœur qui m'a mis un peu un avis négatif par rapport à Flash. Elle a une théorie, c'est que Barry Allen, il est mou, il pourrait même pas briser un verre. Elle a pas totalement tort, mais bon. Mais j'avoue quand même que, comme disait Elodie, les épisodes sont parfois un peu... il y a pas de grands liens ou comment expliquer de gros suspense pendant les épisodes. On a eu tout à fait, comme tu as dit encore une fois Elodie, on a eu des épisodes sur Zoom qui étaient vraiment vraiment au-dessus par rapport aux autres. Mais après également, si le fait de, j'ai eu l'impression à un moment de la série qu'ils étaient en train de se laisser couler doucement en attendant l'épisode crossover. À un moment, ça a été un peu, on va dire que la série Flash en elle-même, elle a été un peu négligée pour pouvoir préparer Legend of Tomorrow avec le crossover qui mélangeait les deux. Donc, au final, si ce n'est les épisodes sur Zoom qui étaient en rapport direct avec Zoom, également l'épisode crossover avec Flash, le reste, je trouve un peu moins bien. Ah si, il y a Captain Cold quand même. Ah non, mais ça non. Il y a l'épisode avec le nouveau Firestorm. Ça, pitié, Captain Cold, c'est un truc. Captain Cold, je regarde la série depuis la première saison, j'aime beaucoup, mais les deux Captain Cold, moi j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il avait de spécial ce méchant. Il a rien, je suis désolé, mais il ne me fait pas peur, il a juste son pistolet avec toujours ses répliques à deux balles en se regardant jouer les loups. Et non, ce méchant-là, déjà, je sais pas ce qu'il fout dans Legend of Tomorrow avec son frère. Donc, non, pas Captain Cold. Parce que c'est un des rogues, c'est un méchant avec qui a une certaine personnalité, notamment par rapport aux comics. Après, oui, que Wentworth Miller est un jeu assez, avec une manière de parler un petit peu limite, qu'on pourrait en tout cas ressentir un peu pédante, ou je déclame mon rôle comme au théâtre, voilà. Bon, ok, mais pour autant, le mec, il a quand même fait chier Flash deux ou trois fois. Le mec, il tient Flash parce qu'il connaît son identité. Et c'est quand même un fin stratège. Il a un flingue qui est quand même mieux que n'importe quel flingue tiré de n'importe quel méchant mafieux ou quoi que ce soit. Voilà, après, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on le laisse, de tout ce qu'il arrive à faire, c'est parce qu'on le laisse faire. J'ai pas vraiment l'impression que s'il s'y mettait vraiment pour le stopper, il n'y aurait pas vraiment autant de problèmes. Il serait pas si compliqué. Mais il est pas, je suis pas sûr qu'il soit censé, ou en tout cas qu'il ait un objectif de faire peur. C'est plus un méchant, tu vois. Enfin, bon, certes, tu peux t'inquiéter, mais notamment parce que il va te filer du fil à retordre, parce que stratégiquement, il a quelque chose de vraiment, de vraiment avancé, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas autant on pourrait avoir ce débat, tu vois, sur son frère qui lui veut limite faire peur, qui est toujours dans la surenchère et la démesure, ça d'accord, mais Captain Cold, il est plus flippant parce que voilà, c'est lui qui est capable de faire des stratégies, et ce mec a quand même obligé Barry, tu vois, à lui montrer son identité. Il a tenu Barry comme ça, il a voulu lui arracher une faveur. Voilà, il est capable de ridiculiser Barry aux yeux du monde entier. Enfin, non, c'est pas... mais je comprends. Je comprends. Attends, juste une seconde, Rich, pardon. Ouais. Dans cette saison, la relation entre Flash et Captain Cold, sur les intérêts mutuels qui doivent se porter, tout ça, sur le fait que Captain Cold, il passe tranquille dans la maison de Barry, ou même qu'il lui dise, voilà, fais ceci, fais cela pour moi. Enfin, mais c'est un peu intéressant, ça permet aussi à Flash d'avoir une espèce de némésis et de voir jusqu'où il est prêt à aller. Ben ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, la menace qu'il est censé représenter pour Barry Allen, j'arrive pas à la ressentir. J'arrive pas à avoir peur. Zoom, quand Zoom arrive, mais moi, actuellement, après son premier combat, la première introduction, je me pose la question, mais comment Barry va arriver? Tu as le Captain Cold qui est comme une sorte d'ennemi récurrent. En gros, on va dire, il est presque le Moriarty de Flash. Il est un peu comme... Parce qu'il n'est pas menaçant, Captain Cold, c'est pas son but d'être menaçant, c'est juste un voleur. C'est un cambrioleur, Captain Cold, c'est tout. Il est là pour piquer du fric, dérober des bords. Il n'est pas là pour déclencher le chaos. Voilà, il n'est pas là pour tuer, et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que Flash, à la rigueur, il va pas non plus sortir à tirer l'autre contre lui, parce qu'il clairement, il n'est pas dangereux, c'est pas son ambition d'être dangereux. Son ambition, c'est de faire des casses, de faire 2-3 coups, un peu marquants, et c'est tout. Et en plus, c'est un personnage et inintéressant, quoi. En plus, c'est un personnage hyper ambigu dans son positionnement entre bien et mal, je veux dire, dans le sens où, et c'est exactement ça aussi dans la version originale en comics, c'est un personnage qui va, quand ça va être nécessaire, être un allié de Flash. Donc, pas étonnant après qu'on ne montre pas comme un gros méchant sanguinaire, gros bourrin, etc. Voilà, cette nuance. Je l'attends pas comme tel. J'attends, je trouve un peu juste qu'il a un peu beaucoup de place de là se retrouver dans, par exemple, le crossover. Mais sinon, exactement. Mais quand j'ai, c'est parce qu'Elodie m'a cité Captain Cold comme étant des personnes qui font frissonner dans la série et bon, non. Ah, j'ai pas dit frissonner, j'ai dit que c'était les épisodes intéressants où il apparaît. Oh, avec le Trickster, c'était avec le Trickster, non? Dans le dernier? Oui, le dernier. Plus Mardon. Oui, plus Mardon. Le seul truc que je retiens du dernier, c'est qu'ils ont réussi à réunir dans les mêmes scènes Prison Break, Spartacus et Star Wars. C'est pas mal quand même. Ah bah, pas mal du tout. Mais moi je suis plutôt d'accord avec Elodie, les épisodes où il y a Captain Cold, je les trouve plutôt cool et. Oui. Enfin, moi, Captain Cold, cool. Il apporte un truc sympa. Oui, il a du rafraîchissant à la série, tu vois, un peu moins cruche. Et tu pourras comparer en plus Irish et Léo aussi. On pourra comparer quand on aura vu le faux Captain Cold dans Gotham. Là. Rappelle, Léo. Mais lui, c'est le Captain Cold originel. Hein. C'est un peu. Non, mais j'ai pas compris du coup. Le Mr. Freeze là, de Gotham. Ah oui, d'accord, oui, j'ai pas vu. Hein, donc... Ah bah c'est Captain Cold, c'est Léo qui a dit ça dans le podcast bilan de la mi-saison de Gotham, c'est Captain Cold qui a pété un câble. Ah, oui. Captain Cold qui a pris quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Qui a pété un câble. Ah oui, certes. Un peu. Surtout au niveau vestimentaire en fait. C'est ça. Donc non, moi je trouve plutôt sympa. Voilà, on va en continuer, on va pas faire toute l'émission sur Captain Cold, ça sera. Mais on pourrait, hein, mais bon. La Terre 2, du coup, quand même un gros ajout de la saison. Arnaud t'as pas parlé depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, ben, c'est Arnaud qui parlera en premier sur la Terre 2, du coup. La Terre 2, donc c'est un des gros ajouts. On a découvert notamment Jay Garrick, un nouveau professeur Wells, pas si nouveau que ça, nous dit Elodie. T'en penses quoi, Arnaud? Ils utilisent. Enfin, c'est un des éléments les plus intéressants au début de saison. Enfin, on peut dire l'arrivée des univers parallèles. Comme tout le monde, je pense que j'étais très excité avec cette idée-là. Et au final, ils s'en servent pas des masses hein, et assez mal en fait. C'est comment Jay Garrick, comme on a pu déjà le dire, on en avait parlé dans le podcast précédent. Il sert pas à grand chose. Il apparaît au début de la saison. Il a un peu en arrière-plan. Il disparaît pendant plusieurs épisodes pour juste revenir et avoir deux trois phrases à dire. Le personnage est assez mal utilisé. Alors j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose parce que c'est un personnage mythique. C'est le tout premier Flash et c'est le Flash de Terre 2, donc. S'ils veulent donner une importance au multivers Terre 2, qu'ils utilisent Jay Garrick. Après, pour Harrison Wells Harrison Wells de Terre 2 qui ressemblerait à celui de la saison 1, c'est pas faux, parce que on sait que le personnage, déjà de base là, on sait que le personnage est assez ambigu, parce que on connaît le Harrison Wells de la saison 1, et forcément les scénaristes jouent là-dessus, mais petit à petit, j'ai l'impression que c'est quand même un personnage qui commence, plus il se révèle, plus il l'adoucit, en parlant de sa fille qui est kidnappée, ce pourquoi il veut arrêter Zoom, il tente de sauver le groupe, il tente d'aider Flash, même si c'est pour aider lui et sa fille, mais il tente d'aider Flash en créant je sais plus comment il appelle son truc pour... Ouais, le speed booster, un truc. Ouais, voilà. Il a un peu ce rôle, et c'est toujours, il est forcément quand on voit, c'est le même acteur qui interprète le personnage, puisque c'est le même personnage, mais d'un autre univers. Donc forcément que quand on le voit à l'écran, on est obligé de tout de suite repenser à qui il était dans la saison 1, et ça rappelle forcément son rôle de père de substitution pour Barry. Il n'a pas ce rôle-là dans la saison 2, mais il y a quand même par moments où tu peux te demander si les actions qu'il entreprend par moment pourraient être des actions faites par Harrison Wells de la saison 1. Enfin, vraiment, des fois, on a vraiment ce sentiment de l'homme qui veut vraiment qui veut aider et pas de un peu de l'étranger de l'autre monde qui est juste là à des fins personnelles pour sauver sa fille. Donc, dans ce sens-là, je suis plutôt d'accord avec Elodie. Mais ça reste quand même une assez grosse déception, que ce soit autant lui qui reste assez ambigu et un peu sous-exploité tout de même. Jay Garrick, vraiment pas du tout exploité comme il faut. Zoom, forcément, qu'on garde de côté un petit peu, mais il est très impressionnant. Après, les criminels qui l'envoient épisode par épisode pour buter Barry, ça fonctionne un coup sur deux. Et on voit pas tant que ça on voit pas tant que ça Terre 2. On a eu 2-3 flashbacks, hein. Mais on n'a pas exploré cet univers-là. Et moi, j'attends juste l'épisode. Je sais pas s'ils ont prévu ça, les scénaristes, mais si c'est pas le cas, je pense que ça va m'énerver. Mais j'attends juste le moment où un personnage, voire peut-être Barry, va aller dans Terre 2, va se retrouver coincé peut-être sur Terre 2, ou va devoir y aller pour X raisons, et qu'on va explorer cet univers-là, voir cet univers-là, plutôt que de voir des personnages de Terre 2 arriver sur Terre 1, que des personnages de Terre 1 explorent Terre 2, qu'on découvre plus cet univers, plus qu'au travers d'une phrase, ah, vous aussi, vous avez un McDo, vous aussi, vous avez ça dans votre univers, comme on a pu voir dans quelques discussions entre Kathleen et Jay Garrick. Ouais, mais je pense que ça va arriver. Oui, je pense et j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Je pourrais même parier que la deuxième fois que Barry et Zoom vont se battre, ce sera dans Terre 2. Moi, je suis assez. Je pense aussi. Hein, mais je suis assez d'accord sur ce que dit Arnaud. Enfin, notamment sur le fait que deux choses, c'est la Terre 2 comme un espèce de réservoir, vu que c'est de là que vient Zoom, de nouveaux méchants. Donc, ça fait un peu, enfin, presque. Bon, Barry... On réexploite des idées de la saison 1, puisqu'on revoit des méchants de la saison 1. Justement, j'allais y venir. C'est que comme Barry récupère des ennemis un peu comme ça fait toujours cas de la semaine, mais avec l'espèce de caution zoom, quoi. Et du coup, comme parfois, un coup ça marche, un coup ça marche pas, bon, c'est pas foufou, et du coup, ça ternit un petit peu le rythme de la saison, et même le rythme de la série en général, au niveau de l'appréciation. Et la deuxième chose, c'est Harrison Wells. Je suis d'accord aussi, un truc qui m'a frappé, et que j'aurais voulu ne pas voir, notamment à la mi-saison tout court, en fait, c'est que à la fin, on va voir que Zoom va tirer les ficelles d'un Harrison Wells qui va du coup être plus ou moins le méchant, puisqu'il va devoir faire des coups un peu fourrés, quoi. Et de fait, ça va encore être Harrison Wells qui va pousser son ambiguïté. Et même si c'est un truc de Terre 2, utiliser juste Terre 2 pour reprendre quelques schémas qu'on avait déjà vus en saison 1 et pour nous ressortir 2-3 trucs en mélangeant quelques visages et quelque chose, bah, c'est un peu décevant quand même. Ça tue un peu le rythme. C'est moins engageant et c'est moins frais que n'avait pu être la saison 1 de ce point de vue. Alors c'est moins frais, mais c'est une des choses qui m'enthousiasme le plus. Et après, je peux comprendre que vous, ça vous enthousiasme moins. C'est Harrison Wells, Cisco, Captain Cold, le Trickster, etc. C'est les éléments qui montrent que de toutes les adaptations de comics qu'on peut avoir en ce moment à la télé, c'est la série qui accepte le plus, et c'est même plus que de l'accepter, elle l'embrasse complètement, c'est ses origines comics. Et Harrison Wells de la Terre 2, c'est exactement comme si on lisait un personnage de Terre 2 dans les comics, c'est-à-dire qu'il va avoir plein de points communs avec son équivalent. Il a trahi le speedster de sa planète, il fait ça pour... Enfin, ce qu'il va faire, ça va être plus ou moins pour des motivations familiales, ce qui avait à la base motivé son retour dans le passé sur Terre 1. Au final, il va avoir un rôle. Il avait un rôle aussi plus ou moins paternel. Il avait du speedster de sa version, donc de Jay Garrick, etc. Enfin voilà, il y a plein de similitudes entre les deux, mais c'est pas le même. C'est clairement pas le même. Il se bat pour qu'on comprenne que c'est pas le même. Et peut-être qu'il va devenir, qu'il va passer en tout cas une partie de la deuxième partie de saison du mauvais côté parce que manipulé par Doom contre son gré. Mais là, cette fois, ce sera contre son gré. Et c'est peut-être la deuxième moitié de saison qui va nous faire voir qu'effectivement, il y a plein de similitudes entre les deux, mais c'est celui de Terre 2 et c'est pas le même. Et la réaction qu'il aura à la fin sera certainement pas la même. Et c'est pareil pour plein de choses qu'on voit sur Terre 2. C'est des terres qui suivent plus ou moins le même chemin, mais qui ont quand même des points de divergence à certains endroits de leur histoire qui font que, bah, au final, ça n'a plus rien à voir. Et par rapport aux versions des terres parallèles dans les comics, je trouve que la série le fait super bien. Je suis assez d'accord. Ouais. De ce point de vue-là, oui, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis ça fait vraiment très comics. Hein. Ça fait vraiment comme si on lisait un comics avec des retournements de situation presque un peu improbables. Un nouvel Harrison Wells, une Terre 2, une autre réalité. Bon, un mec qui va aller se sacrifier pour fermer le vortex qui est créé, là, le Rony, mais qui au final va revenir parce que, bah, effectivement, ils reviennent toujours dans les comics. Et, bah, ça, rien que ça, tu vois, de savoir que l'acteur va revenir, moi, je trouve ça déjà décevant, quoi. Bah, je suis pas trop d'accord avec ça parce que vu qu'au moment de la séparation, son alter, il est retombé du côté de Terre 1, ça me semble un peu logique que lui soit retombé du côté de Terre 2 et donc qu'il soit pas mort. Je suis tout à fait conscient de cette idée-là. Il est forcément en se séparant, l'un est tombé de l'autre côté et l'autre de l'autre côté, en quelque sorte. Donc voilà pour Wells, et puis pour du coup bah, tout ce côté Terre 1, Terre 2, enfin qui voilà pour moi c'est vraiment réussi. Et évidemment on va se retrouver avec Barry qui va passer de l'autre côté, Barry et ou un autre, voilà. Et puis d'ailleurs on va voir que la Kathleen Snow de Terre 2 n'est pas forcément la même que celle de Terre 1. Oui. Il y a aussi un moment dans son histoire où elle va avoir vécu quelque chose de dramatique, sauf qu'elle n'aura pas pris le même chemin que la Kathleen qu'on connaît, elle en aura pris un autre. Et ça va être hyper intéressant à voir ça aussi. Mais après, on imagine que sur Terre 2, aucun d'eux n'est pareil. D'ailleurs, on se demande qui est Zoom, c'est forcément l'un d'eux. Enfin... Ah, ça c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé. Il y a peut-être que c'est l'un d'eux, peut-être que pas du tout. Peut-être que pas du tout, mais enfin, l'intérêt, c'est... le fait qu'il ne nous ait pas encore montré qui est derrière le masque de Zoom pour laisser planer un suspense, c'est quand même pour derrière nous sortir, enfin, je l'espère du moins. Un énorme truc du style, c'est Barry derrière le truc, ou... Peut-être que c'est le Barry de Terre 2, oui, peut-être. Ou son père, j'en sais rien, tu vois, mais quelqu'un, enfin, l'un d'eux, quoi. Et c'est pas pour rien que ils ont pas révélé l'acteur qui joue Zoom, on s'en fout, enfin, on s'en fout de qui il est, puisque la voix, c'est un autre acteur qui n'est pas dans le costume. Et la plupart du temps, c'est un personnage en numérique. Donc ils veulent vraiment garder le secret de qui est Zoom. Donc forcément que ça va être une grosse révélation de quelqu'un qu'on connaît. Ou qu'on connaît pas dans la série, mais qu'on connaît dans les comics et qui serait un ajout assez important peut-être. Donc du coup, ouais. Surtout qu'aucun des personnages, au final, aucun des personnages, on ne sait ce qu'ils sont dans Terre 2. Bah, pour Kathleen, on le sait. Pour Kathleen. Ah, Rony aussi. Elle n'est pas encore arrivée, donc il faut vraiment suivre les news pour le savoir. Donc on va pas le dire ici, mais on le sait. Dans le final, quand même. On a vu une image, effectivement, dans le final de la saison 1. Ah, d'accord. Et maintenant, okay. On sait que c'est sa version Terre 2, mais voilà. Oui, ouais, mais bon, enfin, si tu... Pour l'instant, sinon, on le sait pas. En soi, pour l'instant, on le sait pas, donc on va pas en parler plus que ça. Sur Terre 2, il y a quand même aussi... Enfin, il y a Jay Garrick, mais pour le moment, Jay Garrick n'est pas un speedster. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est un peu vachement en retrait, c'est qu'il n'a pas ses pouvoirs. Il est pire qu'en retrait, il sert à strictement à rien. Non, à quoi va-t-il faire ? Il n'a plus rien, il n'a plus de pouvoir. C'est juste un mec normal. Bah, c'est ça, et puis même le fait de l'avoir mis en love interest de Kathleen, moi, je trouve ça totalement nul, quoi. Enfin, j'ai l'impression que cette saison, il fallait qu'ils aient tous un love interest, et voilà. Alors, sur la CW. C'est pas nul, mais c'est mal amené. Bah, très mal, c'est tout simplement pour juste échanger un bisou en mode trop mal à l'aise. Je trouve que le véritable problème de cette saison, c'est que la série, enfin l'écriture et la série par conséquence, a pas gagné en maturité par rapport à la saison 1. Tu as presque l'impression de voir des intrigues romantiques plus ou moins similaires, ou enfin quelque chose d'assez ridicule qu'on aurait pu trouver au début de la série quand elle se cherchait encore. Et ça, je trouve que l'un des problèmes de la série, c'est que ils veulent toujours nous coller des histoires romantiques dont on a strictement rien à foutre. Mais vraiment, on en a strictement rien à foutre. Et en plus, ça ralentit les autres intrigues et c'est, ça devient, ça rend les scènes et voir les épisodes un peu chiants. Après, Kathleen J. Garrick, ça, je pense que ça aura de l'intérêt au moment où Jay va-t-il retourner ou pas sur Terre 2, quand il va découvrir ce qu'est sa Kathleen sur sa Terre à lui, voilà, il risque d'avoir aussi un choc. Il y a Rony de Terre 2 qui va revenir aussi, Rony, on va avoir un triangle amoureux. Il va sûrement revenir, mais il va revenir d'une manière quand même très différente. Donc du coup, voilà, il y a quand même des choses qui pourraient être déclenchées par ça, et c'est pas... Pourquoi pas ? Tant que c'est justifié, tant qu'il y a... que ça sert un petit peu minimum l'intrigue, d'accord, pas comme, enfin, même de ce point de vue-là, l'histoire des West et de Wally West par rapport à Iris, c'était quand même bien chiant à supporter, mais du point de vue de l'introduction du personnage, bon, ça c'était un écueil par lequel c'était relativement logique et légitime de passer. Mais ils avaient, ça voilà, effectivement, c'était bien, c'est une manière plutôt correcte d'introduire Wally. mais pas sur 8 épisodes. T'étales pas sur ça. T'étales pas sur une telle longueur. Elle peut le découvrir qu'elle a un frère et que sa mère est toujours en vie et que machin et tout ça. Elle est pas obligée de le découvrir sur 8 épisodes. On n'a pas besoin de nous en faire des tartines et des tartines. Et tellement de tartines que dans l'épisode, le dernier, donc le mid-season final, quand on a enfin Wally qui arrive, à chaque fois qu'elle dit qu'elle a un frère, je sais pas si vous avez remarqué comment elle dit Wally. Wally West. Mmh. Elle est obligée de dire qu'elle sait Wally West. Enfin, comme si, hey, coucou, on a Wally West, il est là. Donc je vais dire Wally West, histoire de bien insister sur le fait que c'est lui. Oh, c'est bon, on a compris. C'est un West, il s'appelle Wally. C'est un personnage important des comics. Mais, Oui. Oui, mais personnellement, les lisant pas, j'en sais rien. Moi, tu peux mais elle le dit une fois, deux fois. Elle le dit une fois, deux fois, ça suffit. Elle n'a pas besoin de le répéter pendant toutes les deux minutes pendant tout un épisode. Et à chaque fois qu'elle parle de lui dans l'épisode, elle utilise ce procédé, Wally, et elle laisse un petit temps, Wally West. À chaque fois qu'elle va le présenter à quelqu'un, elle va dire ça. Comme si tout le monde... Mais vous avez vu, c'est Wally West, il est dans les comics. Mais mec, les personnages de ta série, elles le savent pas. Donc... C'est du passage en force émotionnel, c'est vraiment pas très subtil. J'ai pas eu l'impression, peut-être parce que toi tu connais très bien le comics, t'as eu cette impression-là qu'ils appuyaient énormément dessus, mais peut-être par exemple moi qui ne lis pas les comics, et peut-être une autre personne qui est extérieure qui regarde la série comme ça. Moi non plus, hein, je te rassure. Je sais pas si ça l'a frappé autant que toi. Mais ce que je regrette, c'est que c'est une série qui justement embrasse pleinement son origine comics et va puiser dedans et va nous faire des choses vraiment très très là-dessus et très fidèles à ce qu'on pourrait retrouver dans les pages de BD, mais qui sur des trucs comme ça, un personnage aussi important va te mettre des clignotants et des trucs pour te dire hey, coucou, c'est Wally. Mais y a pas besoin, tu dis c'est Wally, tu dis Wally West une fois, quand lui il arrive la première fois qu'il franchit la porte, qu'il ouvre la porte, là il peut dire oui, je suis Wally West, et là du coup t'as un impact. Les personnes qui le connaissent pas, elles s'en foutent qu'on insiste sur son nom, c'est celle qui connaît que ça saoule. C'est toute la différence avec par exemple dans le même ordre d'idée Agents of S.H.I.E.L.D. qui pendant des épisodes nous a teasé le mot inhumain. Ils nous ont pas juste fait chier à chaque fois en nous disant une phrase, un sous-entendu inhumain. Oh, t'es un monstre, t'es inhumain avec moi, t'es méchant, machin. Enfin, ils ont jamais insisté là-dessus. Ils ont fait des sous-entendus enfin, les lecteurs de comics pouvaient comprendre que c'était des inhumains. Mais ils ont jamais forcé le trait dessus sur le mot lui-même. Alors que là, on te rabâche vraiment Wally West, Wally, t'as compris, hein. Tu lis les comics, t'as compris que c'est Wally West, hein. Et puis même si à force qu'on te le répète, tu regardes sur Internet, quoi. Voilà. Et si tu les lis pas, c'est pas grave si t'as pas compris. Bah non, t'attends qu'on te fasse la révélation. Non, mais encore une fois, moi j'ai pas. Bon. Oui, tu l'as pas ressenti parce qu'effectivement, tu ne connais pas de base. Oui. Et en plus, j'ai pas eu l'impression que l'intrigue sur son frère était traînée autant en longueur. Parce que j'ai eu l'impression au début, quand elle apprend, après c'est un peu. Après, on a eu plusieurs épisodes où ils l'ont complètement zappé, hein. Oui, voilà, exactement. Non, parce que d'abord, elle le cache à son père. Oui, voilà. Il y a des scènes avec elle est avec son père et elle veut lui dire. Après, elle parle à Barry, elle la voit à Barry. Elle dit, est-ce que je devrais lui dire ou pas? Enfin, ils font plein de détours comme ça. J'ai l'impression que ça, en fait, c'est une tartine sur 6 épisodes. Toute la suite, c'est que sur le dernier où elle fait ça. Exact, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. C'est que, ce que je pensais, c'est que au moment où sa mère arrive, il y a les épisodes où sa mère arrive. Je pense les deux épisodes où sa mère est dans la ville, où il parle de ça. Et après, pour moi, ça ne revient qu'en toute fin, lorsqu'elle s'apprête à dire à son père. D'accord. Bon, bah. Pourquoi pas, peut-être. C'est assez lourd. Apparemment, pour nous, c'est un peu lourd. C'est Iris, quoi. Après, c'est Iris, comme il dit. Il faut noter qu'elle pleure un peu moins qu'en saison 1. Oui, faut le dire vite. Hein. Mais oui, c'est vrai. Un tout petit peu moins. Ouais. N'empêche pas qu'elle est toujours aussi chiante. Hein. Non, voilà. Un peu moins. Mais elle reste un peu moins parce qu'on la voit un peu moins et parce que Barry elle a un autre love interest puisque avant elle avait beaucoup plus de place parce qu'elle était également l'amoureuse de Barry. Aujourd'hui elle était que ça, elle sortait également avec comment il s'appelait là, mais elle était bloquée dans un triangle amoureux avec Barry et Ronnie. Non, pas Ronnie. Non, Rick Costet, comment il s'appelle. Eddie Thorne. Elle était bloquée dans un triangle amoureux avec eux. Maintenant que tu retires Eddie qui est mort, Barry qui a quelqu'un d'autre, elle a plus rien. Elle a son frère. Enfin, on en parle de Patty, oui. Patsy ? Ouais, on peut en parler. D'ailleurs, je me souviens, d'ailleurs, je pense que j'en avais parlé, mais une scène pour moi qui récapitulait un petit peu à elle seule comment elle pouvait être énervante, Iris, et d'ailleurs, je pense que j'ai eu également le pendant dans Arrow, c'était avec une scène où il y a Barry, elle était avec Barry, ils étaient dans le labo avec tout le monde qui est là dans la grande pièce. Et là, Barry, il était énervé, ou je sais plus par rapport à quoi. Et là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à tout le monde, sortez, vous pouvez nous laisser tout seul. Ils sont dans la grande pièce principale, et elle demande à tout le monde de sortir et de la laisser avec Barry. J'ai envie de dire, mais tu peux pas l'emmener dans une pièce isolée, je sais pas. Et j'ai eu la même scène avec Laurel. Tout le monde était en train de regarder la télé, c'est au tout début de saison de Arrow. Tout le monde regardait la télé où on parlait du retour de comment il s'appelle ? Merde. Arrow, mm-hmm. Et elle est venue, elle a éteint la télé parce que ça lui faisait pas plaisir. Voilà. À quel point ouais, c'est bah, divas, quoi. Oui, voilà. Alors moi j'ai un truc encore mieux, c'est que dans le crossover, dans les deux épisodes, Iris n'apparaît même pas une seconde. Oui, enfin Laurel elle apparaît, mais elle ne sert à rien. Bah un peu plus déjà que Iris qui n'apparaît pas du tout. Laurel elle est derrière en à faire la plante, et après elle se fait péter la gueule dans une scène. Ouais, mais c'est bon ça. Mais au moins elle est présente, tu vois, ils l'ont quand même pas zappé ouais, du truc quoi. Ça sert à quoi de surcharger l'image avec un personnage qui ne sert à rien, autant de pas la mettre. Ouais, mais tu dis ça, mais par exemple, si tu prends la Thea Queen aussi, on peut dire qu'elle surcharge aussi, mais elle a justement, elle est aussi là. Je pense qu'on la retient beaucoup par rapport aussi à cette phrase. Bah voilà, au moins, elle a une bonne phrase. Une bande de super-héros dans une ferme, ouais, voilà. J'ai l'impression d'avoir une scène dans un film. Aurel, la seule phrase qu'elle prononce, c'est « Ah, il faut prévenir Oliver !» Bah merci, c'est un peu une urgence, c'est normal de le prévenir, on n'avait pas deviné peut-être. C'est pour dire des conneries pareilles, ferme ta gueule. On reviendra dessus sur le podcast Arrow. C'est ça, exactement. Bah, on est revenu. Ouais, mais ça, c'est l'épisode de crossover. Ça, c'est l'épisode de crossover. Oui, de toute façon, la partie flash du crossover, on est... Donc, c'est dans les deux. On en parlera un peu. Le retour de Grodd, le retour du Trickster, le retour de tous ces ennemis là, qu'on a vus en saison 2, en saison 1, je veux dire. Moi, je trouve que Grodd, comme quand Irish disait que Captain Cold ne lui filait pas de frissons, personnellement, Grodd me laisse complètement indifférent, et je trouve que pour une figure telle qu'est Grodd, un peu dans les comics, je trouve qu'il est assez mal utilisé, que bon, il fait un petit peu de grabuge, mais que rapidement, Flash s'en débarrasse, quoi. Après, par contre, le Trickster, c'est peut-être aussi parce que j'aime beaucoup Mark Hamill et depuis qu'il a fait le Joker, voilà. Et donc, comme il en met un peu là dans son interprétation du Trickster, bah, ça fait un truc très dynamique, très cool, très sympa. Bah, l'épisode là avec le Trickster, Captain Cole et Marden, j'ai bien aimé. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais, un truc divertissant. Mais Grodd, je crois qu'il est pas, je sais plus après quel épisode il est passé, mais après un épisode, je crois vraiment intéressant, et je me disais, mais. Voilà, on nous l'a déjà sorti une fois ou deux en saison 1, sans vraiment d'intérêt. Là, on va nous ressortir. Bon, bah, ok, mais... C'est vrai qu'il n'était pas hyper emballant dans cet épisode. Il est plutôt bien fait. Enfin, voilà, j'ai pas trop de problèmes du côté visuel, etc. Ouais. Pour un budget CW, quand même... Oui, voilà, c'est numérique, c'est bien fait. Bien fait, et Flash aussi, les effets spéciaux sont bien. Mais en soi, Grodd... voilà, il n'y a pas plus de relief ou de punch et tout que pouvait l'avoir son personnage dans les comics ou même par rapport à un méchant un peu plus lambda, quoi. Marden est plus flippant que Grodd. Hein. Grodd, on a fini ses origines avec l'épisode qui est arrivé là, qui est passé sur lui. On a fini ses origines, maintenant il est sur Terre 2, il arrive dans cette cité très particulière dans son histoire comics. La planète des singes, on dirait. Et c'est vraiment quand il va revenir de là, qui va revenir sur Terre 1, je pense, avec du coup les personnes de cette ville qu'il va réussir à avoir alliées à lui. Là, ça va être le Grodd qu'on connaît et qu'on attend et qui va être hyper dangereux. Là, pour le moment, c'était encore le Grodd balbutiant qui débute, qui est encore attendri par Caitlin, etc. Enfin voilà, il était encore là-dedans. Là, maintenant, c'est fini. Il est arrivé sur Terre 2, dans cette ville hyper, hyper importante dans son histoire. Et voilà, c'est la prochaine fois où le Grodd dont tu parles, Léo, va arriver, pour moi. Je pense aussi, j'espère en tout cas. Le Trickster, on a, bon, Léo s'est exprimé dessus, mais les autres, enfin, moi je suis hyper emballé par Mark Hamill, hein, et même par le nouveau, hein, son jeune Trickster, là, je le trouve pas mal aussi. Ah ouais, vraiment. Moi j'ai l'impression de, je sais pas, à peu près, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai une impression de pâle copie du Joker. Du coup, j'ai tendance à comparer par rapport au Joker, et ce personnage n'évolue pas pour moi, positivement pour moi. Je n'arrive pas à l'apprécier vraiment. Ce qu'il fait, parce que c'est quand même ça le truc, c'est qu'il est assez, comment dire, horripilant. Donc du coup, ce qu'il fait, qu'il essaie de t'horripiler, ça peut être soit t'horripiler dans le bon sens en te disant « il est vraiment taré celui-là », ou dans le mauvais sens et tu te dis « qu'est-ce qui m'emmerde celui-là ». Et moi, je serais plutôt « qu'est-ce qui m'emmerde un peu celui-là ». D'accord. Et le dire, non ? Je pense, enfin, c'est, je me trompe pas, il revient bien dans l'épisode de mi-saison. Et ouais, donc du coup j'ai eu l'impression un peu que cet épisode était un peu surchargé parce que t'avais Mordon, Captain Cold plus le Trickster, ça faisait beaucoup de personnages, beaucoup d'ennemis pour Flash en un épisode. Et du coup, il n'avait pas forcément la place vraiment pour être aussi bon que dans son premier épisode. Et du coup, j'ai pas trouvé que, enfin, je le trouvais sans plus dans cet épisode. Il était pas exceptionnel. Et bah, il était beaucoup plus effacé parce qu'il n'avait pas justement la place à cause de tous les autres qui prenaient. Oui, c'est ça. Surtout, c'est Mordon, l'indicateur. Du coup, c'est pas rendre hommage au personnage, pas rendre hommage au talent de l'acteur et à la possibilité qu'on peut faire avec le personnage que de le coller dans un épisode avec deux autres super vilains. Et où il est juste un sidekick et truc. C'est vrai qu'il est un peu. Donc c'était un peu décevant. Ce retour était un peu décevant pour moi. Bah, c'est parce qu'après, c'est plus le Trickster de cette époque, c'est l'autre maintenant, le Trickster. Ouais. C'est l'ancien, c'est l'horrifice. Et du coup, s'il y avait juste lui. L'ancien Trickster plus le nouveau, ça aurait pu suffire. Mais là, de rajouter les deux autres. Mais justement, moi j'ai trouvé ça cool parce que les méchants commencent à s'unir. Il y a plus en plus d'épisodes où ils sont par deux. Là, ils étaient par trois. Tout doucement, on s'achemine vers la vraie composition des Rogues et vers peut-être un double épisode où ils vont être tous ensemble contre Barry et peut-être avec Wally. Et voilà. Et du coup, on va avoir un vrai affrontement, une espèce de vrai climax où vraiment tous les Rogues vont être réunis et enfin unis, parce que on les a tous présentés, mais on les a jamais vus encore vraiment ensemble. Là, on en a vu déjà trois, c'est pas mal, et ça va escalader. Mais petite question, est-ce que Wally, il a déjà ses pouvoirs ou il va les obtenir? On ne sait pas, puisqu'on l'a juste vu sonner à une porte pour le moment. A priori, non. D'ailleurs. A priori, il les a pas. Donc est-ce que dans, je vais poser une question du coup qui est peut-être spoiler, mais est-ce que dans les comics il acquiert ses pouvoirs je sais pas à quel moment à peu près, ou est-ce en rapport avec l'explosion de Star Labs il obtient ses pouvoirs d'une manière assez similaire à Barry. D'accord, une histoire d'accident, mais pas au même moment, non. Il n'y a pas cette histoire de Star Labs dans les comics, c'est pas vraiment pareil, hein. C'est plus tard qu'il les obtient, voilà, parce qu'au début il n'existe pas non plus. Mais il obtient ses pouvoirs d'une manière assez similaire à ce qui arrive à Barry. Donc pourquoi pas imaginer que lors du voyage sur Terre 2, Star Labs pète et du coup Wally. Mais qu'est-ce qu'il ferait là-bas ? Ben, on sait pas qui peut être transporté sur Terre 2. Oui, c'est vrai. L'avantage de Terre 2, c'est que tout est possible et que plein de choses peuvent arriver là-bas, plein de choses peuvent faire avoir des répercussions sur l'autre Terre, et donc il peut y avoir plein d'éléments. C'est ça aussi qui est très bien dans Flash, c'est qu'ils ont bien géré ça et que tous les personnages sont un petit peu sous une espèce de menace constante et de changement radical, mais le cas le plus symbolique. Voilà, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressaient sur cette première moitié de saison dont vous aviez envie de parler, ou d'autres choses que vous vouliez critiquer? La relation Patty-Barry. Toi, elle te plaît pas? Oh non, critique pas. C'est dur. Hein. Ah, d'accord. Ok, parce que j'allais dire, c'est la fille qui critique le. Non, cette relation ou pas? Comment? Elle te plaît cette relation ou pas? Disons qu'elle me déplaît pas. C'est sûr qu'elle est mieux quand même que Iris ou la journaliste là avec qui il était au début. Ah ouais, d'accord. Mais enfin, après, ils vont très bien ensemble. Je trouve qu'ils font tous les deux un peu neuneux, quoi. Et en fait, là, le truc moi, qui m'exaspère, c'est que je pense amoureux, qu'on dit, quoi. un ou deux épisodes, bah, elle sera au courant de son secret, quoi. Ah, bah, ça arrive. Ouais, c'est le synopsis du prochain épisode, en principe. Ah bon? Le synopsis, non, mais après, il se pose la question. Si... Est-ce qu'il doit lui dire ou pas, ouais, dans le retour, épisode de retour, ouais. Mais donc, moi, j'aimerais bien qu'il le dise. Non, parce que ça va faire un peu le même problème que dans Supergirl, c'est que tout le monde sera au courant. Et je veux pas voir ça, ça va créer une mauvaise dynamique dans les personnages. Et qu'elle reste encore un petit peu de temps dans le noir, de pas savoir, que ce soit une des rares à pas être au courant, qu'ils attendent un petit peu avant que tout le casting soit au courant. Et pas faire le syndrome Supergirl, sans non plus tomber dans le syndrome Smallville où les personnages attendent 8 ans pour découvrir les pouvoirs de Clark. Oups, je l'ai cogné, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Faut trouver un autre. Concrètement, tout le monde est au courant là, donc. Oui, c'est pour ça que je veux justement qu'ils attendent un certain temps, on lui révèle et pas tout de suite. Mais qu'ils attendent pas non plus 4 ans pour le faire. Hein. Ils auront peut-être pas besoin d'attendre, hein, d'ailleurs, avec les événements de Terre 2 et les trucs qui peuvent arriver. Si un jour Zoom décide d'exploser complètement Barry en lui explosant la gueule, Patty, il va finir par le savoir aussi. Oui, parce que Zoom l'a traîné dans toute la ville, mais il aurait pu le démasquer aussi. Hein. Voilà. À aucun moment il l'a... Ah, je pense qu'il le sait déjà. Mais il aurait pu le démasquer de... non, mais à la face du monde, je veux dire. Ah oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui l'empêchait? Ah, ça aurait pu être intéressant aussi. Ah oui, mais non, mais c'est pas possible, hein, aussi de... Et là, c'est là tout le problème avec ce que j'ai trouvé. J'ai adoré le personnage de Zoom, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un problème dans cette scène, qui est certes forte, mais il y a quand même un problème dans cette scène, c'est que juste parce que c'est le héros, d'une, on ne retire pas son masque pour pas que tout le monde soit au courant que son identité secrète soit enlevée, juste parce que c'est le héros qu'il faut que ça continue, Zoom ne lui pique pas sa speed force comme il fait avec tous les autres speedsters, parce que c'est le héros aussi qu'il en a besoin pour continuer la série. Et donc j'ai trouvé ça vraiment assez dommage que ce soit assez incohérent dans ce sens-là, que tout ce que le Zoom a l'habitude de faire, la manière dont on nous a parlé de lui, qu'on nous a construit un certain mythe du personnage et de sa monstruosité, que ce soit mis de côté juste parce que c'est le héros de la série et qu'il ne faut pas que ça lui arrive. Je trouve ça assez dommage. On avait parlé de ça quand on avait fait le petit débrief à mi-saison, et je pense que j'avais déjà dit que j'avais trouvé déjà un peu facile que ce soit Cisco avec juste un simple balle en quelque sorte qui le détourne de clore. Il allait clore totalement de Barry Allen, et lui qui prévoit tout, qui est assez rapide, se faire voir par une petite balle. Mais tu sentais vraiment, c'était parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête là, et ça ne peut pas se terminer là. Et une facilité dans l'écriture, juste pour arranger tout le monde parce que c'est le héros. Mais bon, après, comme tu dis, c'est le héros. Donc, On accepte ce genre de facilité. Mais... Le problème, c'est que l'élément perturbateur était léger. Et s'ils avaient trouvé un truc un peu plus sérieux, oui, j'aurais dit, on est reparti. Mais il ne faut pas non plus qu'ils fassent le coup à chaque fois, juste de sortir Barry de problèmes aussi facilement, juste parce que c'est le héros. Ça passe une fois, deux fois, mais pas à chaque fois quand même. À un moment, il faut grandir. Enfin, c'est ça le problème, hein, ce que je disais. Ça manque un peu de maturité dans le scénario. Ils prennent un peu genre le spectateur pour quelqu'un de facile. Genre, ouais, ils vont accepter cette facilité. Ça va passer, t'inquiète. À un moment, il faut comprendre que le spectateur n'est pas si con que ça non plus, et qu'il attend peut-être quelque chose d'un peu plus intelligent, un peu plus mature, hein, et qu'à un moment, il va falloir faire quelques changements. Flash, c'est pas du tout comme Agents of S.H.I.E.L.D. par exemple, il va pas couper un bras à un personnage comme ils ont coupé un bras à Coulson. Pour moi, c'est tout le problème des productions Berlanti. Mais la construction, elle est identique. Supergirl, Arrow, Flash, c'est exactement les mêmes problèmes. La construction est identique dans tous les épisodes. C'est que t'as un nouveau méchant. Au début de l'épisode, Barry va le rencontrer. Il va avoir une petite fight entre les deux. Petit élément perturbateur qui font que le méchant ne sera pas attrapé tout de suite, ou Barry sera en difficulté, il va réussir à s'enfuir. ils vont essayer de trouver une solution. Là, ils vont se à nouveau combat final entre le méchant et Barry, et Barry gagne, et voilà. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme ça que les séries fonctionnent. Non, pas forcément. Attention, parce que du coup, toutes les séries sont comme ça. Vous regardez Good Wife, Alicia va avoir un procès, ça va être la même chose. Elle va être dans la merde, et puis d'un coup, hop, l'illumination. Elle va trouver l'illumination. Voilà. Et elle va gagner. C'est pas aussi mécanique. Quand je regarde Agent of Shield, je n'ai pas ça. Je n'ai absolument pas ça. Agent of Shield, c'est un autre type de structure. Mais au début de la série, c'est exactement ça. Non, mais maintenant, c'est devenu plus feuilletonnant. Ouais, mais ça tourne en flash, là, le cas par épisode. Et c'est pour ça que je te dis que c'est le problème des productions de Berlanti. 4 ans plus tard, Arrow fait toujours ça. Donc, à un moment, C'est pour ça qu'Arrow commence à saouler aussi. C'est pour ça que je dis, à un moment, il va falloir peut-être qu'on va prendre le spectateur pour autre chose qu'un con qui va avaler les mêmes épisodes semaine après semaine. C'est exactement ça. C'est que si tu prends. J'ai un peu de mal. Tu prends les épisodes, tu changes juste les méchants et t'as les mêmes trucs. Hein. Tu changes juste les méchants à chaque fois et t'as la même constructure. Je suis d'accord que oui, bien sûr, comme dans une chanson, il faut un refrain, il faut des chœurs, ainsi de suite, oui. Mais ce n'est pas obligé d'être aussi mécanique. Tu n'es pas obligé de suivre la construction. Enfin, je pense que c'est le problème des séries de super-héros. Tu regardes Smallville, c'est exactement la même structure. Mais Smallville, c'était il y a 15 ans, je sais pas. Pas non plus, mais enfin quand même, c'est la structure qui veut ça. Forcément que le héros, enfin que ce soit juste un super héros ou le personnage principal de n'importe quelle série, quand t'as une série avec une structure du cas de la semaine, forcément que c'est la même structure. Il y a une confrontation, il y arrive pas, il va chercher une solution et il y a un deuxième combat et il réussit. Je suis d'accord que la structure narrative est dans toutes les séries, c'est comme ça. Mais ici, on a un côté mécanique qui fait que tu peux remplacer juste le méchant et tu as le même épisode. Je crois pas que ce soit plus mécanique qu'une autre série qui. Moi, je prends l'exemple d'une série que je regarde actuellement, Limitless, où t'as un acteur principal, mais j'ai pas une impression de comment dire, je sais pas comment t'expliquer ça. Il faut que ce soit un peu masqué, que tu n'aies pas l'impression. Je sais déjà ce qui va se passer quand Barry va le rencontrer. Je sais pas comment te dire, mais j'ai l'impression de regarder parfois à chaque fois le même épisode avec juste un méchant. Oui, je suis d'accord. Mais tu peux pas me dire que c'est normal, parce que c'est la seule série qui me fait ça. C'est la seule série où j'ai vraiment cette impression-là. Pourtant, je suis d'accord que toutes les séries ont une structure narrative. Pratiquement toutes les séries ou même les films emploient le même. Un film, c'est différent. Non, mais parfois il y a certains films qui emploient cette narrative-là. Quand t'as un méchant principal, il y aura forcément un affrontement entre les deux en milieu de film, et à la fin, ils trouveront une solution. Mais dans le cas de Flash, c'est trop mécanique. Je trouve pas que ce soit plus mécanique qu'une autre. Je suis d'accord, donc on va arrêter là. Voilà. Juste, je vais répondre quand même à ce que disait Arnaud en disant qu'on nous prend pour des cons, limite. Sur tout ce que tu as dit dans ce passage-là, je suis d'accord avec rien. parce que regardez Arrow, là on vous prend pour des cons, clairement. Là, quand on regarde. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Hein. Ah non, quand on regarde Arrow, on nous prend pour des cons. Tout ce qu'Arnaud soulignait, en fait, c'est ce que moi j'apprécie en disant tout à l'heure que la série embrasse son héritage des comics et qu'on retrouve des choses qui sont. Ça assume clairement le fait que ça vient de comics. Dans le développement des personnages, il y a plein de choses qu'on peut retrouver et on comprend tout de suite que cette série, c'est une adaptation de comics, qu'elle l'assume et qu'elle l'assume en plus bien. Et c'est pas prendre les gens pour des cons. C'est dire aux gens qui aiment Flash, qui aiment sa version écrite, ben regardez, on est capable de vous mettre à l'écran ce que vous aimez chez lui et ça en plus ça plaît au grand public. Ah non, Mathieu, je dis peut-être du négatif dessus, mais au final, tu regardes toutes les semaines parce que j'aime cette série, ça fait partie de mes séries préférées. Mais par contre, je trouve quand par exemple Arnaud il tape un bras raccourci sur Supergirl et qu'il est très très indulgent avec The Flash, je trouve pas. Encore, je dis pas que Flash et Supergirl, c'est la même chose. Non, Flash c'est quand même bien supérieur à Supergirl, mais il y a beaucoup d'éléments que je trouve assez Flash, identiques. Ouais. Dans Flash est supérieur à Supergirl pour moi dans le sens où oui, effectivement, ça, comme Supergirl, ça assume ses origines comics, mais contrairement à Supergirl, ça adapte plus que ça suit les codes. Oui. Non, mais je pense que le vrai reproche est la structure des épisodes, qui apprend une structure de procédural un peu avec un peu le cas par épisode. Et je comprends ce que tu voulais dire à Erich en disant, bah oui, c'est toujours la même mécanique dans chaque épisode, on retrouve la même chose, on sait ce qui va se passer. Il va d'abord rencontrer une première fois le méchant qui va plus ou moins le mettre à l'amende, il va retrouver une solution avec ses amis, et puis hop, à la fin, et bah, il va réussir le combat, et il va l'emprisonner. Mais c'est la même chose dans Arrow, alors pourquoi tu préfères Arrow à Flash? Mais justement, en plus, Arrow a perdu ce côté, le cas par épisode, c'est de moins en moins présent. Ouais, bah, enfin, dans Arrow, si tu sais pas forcément ce à quoi tu t'attends, c'est surtout parce que elle embrasse pas du tout la mythologie, enfin, sa propre mythologie et ses comics. Ouais, mais alors ça, pour moi, de la même manière que Flash le fait. Mais moi, j'ai pas lu les comics, donc pour moi, c'est un truc qui joue absolument pas, enfin, qui rentre pas en compte, quoi. Enfin, oui. Quand même, dans Arrow, les intrigues sont chiantes à mourir. Bah, les relations entre les personnages sont chiants aussi, c'est ça le problème. Bah, moi, dans Flash, même si c'est la même structure épisode par épisode, tu prends plaisir à suivre Cisco et Kathleen dans leur délire. Moi, c'est le meilleur personnage, je suis d'accord. Tu prends plaisir dans la relation Patty-Barry, tu te fais chier sur Iris, mais comme elle va presque pas, t'es content. T'apprécies la relation paternelle entre Joe et Barry. Barry et Joe. Barry et Joe, enfin, il y a autre chose à côté. Il y a certes le squelette du cas par épisode, du cas de la semaine, qui est certes toujours pareil, hein, mais à côté de ça, il y a tous les ajouts autour hein, qui rendent les épisodes bons à voir. Hein. Bah non, parce que moi je trouve que justement la plupart des personnages sont trop lisses dans Flash, alors que c'est pas le cas dans Arrow et que la série est bien. Dans Arrow, ils n'évoluent pas. Et bah, je trouve que dans Arrow, les histoires sont bien plus sombres, ce qui, pour moi, personnellement, a un attrait un peu plus intéressant que Flash, quoi. On en parlera, mais pour moi, les personnages de Arrow stagnent ou régressent comme Laurel. Pour moi, Laurel a régressé. On en parlera plus tard. Laurel a régressé, je suis pas sûr de ça. C'est pas l'émission 37, c'est l'émission 36, donc. Ouais, mais il y a un truc qu'on a vraiment pas abordé, par contre, dans cette émission, c'est genre le crossover. Le crossover, bah, justement, j'essaie de venir là depuis tout à l'heure. Le crossover, donc la partie Flash du crossover, la partie Arrow, c'est pas la peine d'en parler, on en parle dans le bilan de Arrow. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie-là? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était intéressante? Est-ce que c'était judicieux, peut-être, de faire ce crossover à ce moment-là, ou de faire un crossover tout court? Je sais pas, enfin voilà, je pose des questions. Hein. Est-ce que c'était judicieux? Moi, je peux dire, j'ai envie de dire qu'ils auraient pu le faire à n'importe quel moment de la saison, tellement ça n'a l'impression que ça n'a aucun lien avec l'intrigue centrale de Flash. Hein? Aucun, vraiment. Hein. Oui, mais non, ça n'a aucun lien. Tu peux le prendre comme un épisode, comme un téléfilm. C'est fait pour que, justement, si tu regardes pas Arrow, si tu regardes pas Flash, je veux dire, les spectateurs de Arrow vont quand même aller voir la première partie du crossover. C'est fait pour ne pas perdre le spectateur qui ne suit pas la série habituellement. Non, mais le but, c'est quand même pas de perdre ceux qui regardent la série d'habitude. Bah, exactement. Dans ce cas-là, pourquoi pas. C'est un problème des scénaristes, ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à mêler les deux. Bah, dans ce cas-là, pourquoi pas le faire dans le pilote comme pilote de Legend of Tomorrow, puisque tu les as tous. C'est comme si on te fait. C'est comme si tu t'es tapé. Mais ils sont aussi dans Legend of Tomorrow. Mais non, mais c'est comme si tu te tapais le pilote. Là, cet épisode-là, il aurait appelé Legend of Tomorrow. Il aurait appelé Legend of Tomorrow. Je pense que PS5 n'aurait été choqué. Mais enfin, je comprends pas le problème, puisque c'est fait exprès d'introduire. Moi, je te prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui ne regarde que Arrow. Il regarde Arrow ou qu'il ne regarde que Flash. Il regarde Arrow et à un moment il tombe sur un épisode avec Flash et il se demande ça sort d'où cet épisode. C'est quoi le rapport? Si tu regardes que dans la saison de The Flash, c'est avec cet épisode-là, tu vas te dire c'est un cheveu en plein dans la soupe. Et ensuite, supposons après cet épisode-là, tu passes à l'épisode d'après, tu vas te dire bah il est où la suite? Il est où la suite? Qu'est-ce qui se passe? Le public de la CW, c'est les jeunes de notre âge. Et aujourd'hui, qui n'est pas au courant de ce genre de choses? Enfin, je veux dire, si tu regardes Arrow, tu vas probablement regarder Flash aussi. Enfin, tu te tiens. Bah, j'ai des potes qui regardent. Il y a des, c'est pour ça qu'il y a le previously avant, c'est pour te tenir informé. Enfin, franchement, je vois pas le souci. Et c'est justement, ils jouent à fond la carte de l'univers partagé qui est très à la mode partout en ce moment. Et le fait que ce soit un, comment on appelle ça, un backdoor pilot pour The Legends of Tomorrow, c'est pas un souci, c'est pas la première série à faire ça, et au contraire, c'est une manière d'introduire les éléments pour aussi pousser les spectateurs de Arrow et de Flash à aller voir Legends of Tomorrow, qui serait pas forcément le cas. Est-ce que tu te souviens du premier crossover qu'ils avaient fait la saison dernière? Qui était pourri, oui. Peut-être pourri, mais qui était totalement en continuité dans l'histoire que t'avais dans The Flash. Et après aussi, avait aussi un rapport avec l'histoire que t'avais dans Arrow. Et c'est exactement le problème que j'ai trouvé à ce crossover l'an dernier. C'est que justement, t'avais pas ce sentiment de crossover. Parce que c'est un épisode dans la continuité avec juste l'ajout de quelques nouveaux personnages qui pourraient être juste des nouveaux personnages de la série et pas des personnages qui arrivent d'une autre série pour faire un crossover. Alors, t'avais pas ce sentiment de crossover là, mais juste de continuité avec un ajout de nouveaux personnages, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, mais c'était juste de nouveaux personnages qui arrivaient et qui partaient à la fin de l'épisode. Bah, t'avais pas ce sentiment de crossover. Il y a 10 minutes que c'était cool qu'ils jouent la carte de l'univers partagé, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière justement, t'es en train de le dire, ils jouaient la carte. Non, le problème de l'année dernière, c'est que tu sentais. Là, ce que j'ai aimé dans cette année, c'est que tu sentais vraiment le crossover, l'événement. C'est vraiment, on prend ces deux épisodes-là hors des autres intrigues pour en faire un événement. C'est exactement. Alors que l'an dernier, non, c'était il y avait pas d'événement. C'était dans l'épisode de Arrow, c'était l'intrigue de Arrow qui continuait avec un petit ajout. C'est tout. Alors que c'est exactement ça un crossover. Si tu vas vraiment dans la définition du truc, c'est vrai, c'est exactement ça un crossover. C'est que on prend un personnage d'une autre série et on le ramène dans la série actuelle, ainsi et vice versa. Là, ce n'est pas pour moi. Là, c'était vraiment c'était vraiment le pilote de Legend of Tomorrow. Et parce que quand j'ai lu encore le synopsis de Legend of Tomorrow qui va arriver, je me suis dit tiens, c'est quoi la différence? C'est la même chose là qu'on a déjà vu avec Vandal Savage. Bah, il est pas mort, il va revenir encore. Tu vois, c'est pour ça, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que cet épisode. Ouais, je comprends, je suis pas d'accord, mais je comprends. Au fond, j'ai adoré, hein. J'ai bien kiffé, j'ai rigolé, surtout quand Barry. T'es gentil. Quand il dit de Thomas Merlin, ce mec-là, il connaît aucune autre façon d'entrer dans une pièce. Moi, j'ai rigolé pendant deux heures pour ça. Mais non, contraire pour ce passage. Putain, moi, il m'a fait mal, même le crossover dans l'ensemble, quoi. Il était nul, faut à un moment. Ah, non. Moi, j'ai bien aimé, je vous promets. Tous les personnages sont out of character. Il n'y en a pas un qui agit de la même manière qu'il agit dans sa série. Il y a un moment ou un autre, c'est quand même, ça crève les yeux quand même. Et là, la seule qui s'en rend compte, c'est Théa, au moment où elle dit ah tiens, j'ai déjà vu ça dans un film. Oui, bah oui, ça c'est trop. Mais elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Tu m'avais spoilé d'ailleurs, Mathieu, sur ouais, désolé. Moi, je sais pas votre avis. Bon, moi, le fait que ça soit un petit peu à part des intrigues de chaque série respective, ça me dérange pas spécialement. Par contre, un truc qui m'a dérangé, c'est que en voyant le titre Legend of Today et Legend of Yesterday, c'est que je m'attendais quand même à une vraie introduction de Legend of Tomorrow. Carton, oui. On a eu de deux personnages, et là je me suis vraiment demandé, mais où sont passés Captain Cold et Captain Cold et je sais plus son. Dominique Purcell. Tout le monde l'oublie son nom, lui, c'est dingue. Il sert à rien. Et les personnages de Arrow qui doivent aussi être dedans, genre comme Sarah et tout ça. Je me suis vraiment demandé où ils étaient passés, parce que pour moi c'était l'épisode où ils auraient dû être, quoi. Et donc je me suis demandé à quoi servait vraiment. Ce crossover a représenté les deux seuls personnages qu'on ne connaissait pas, et honnêtement, c'était ça en fait. Sarah, tu la connais, Heatwave, tu le connais, Captain Cold, tu le connais. Là, il fallait introduire deux nouveaux personnages totalement inconnus. Ouais, mais alors. Qui leur fallait de la place justement pour les introduire, puisque les autres ont eu plusieurs épisodes dans leurs séries respectives, et là, il fallait deux épisodes pour présenter ceux-là, qui étaient totalement nouveaux. Moi, j'ai l'impression qu'ils les ont pas mis parce que. On se serait dit lorsqu'on allait voir le pilote de Legend of Tomorrow, mais on l'a déjà vu ça. Bah dans ce cas-là, oui. Non, mais non, moi, je pensais honnêtement que ce serait un peu un avant-pilote, tu vois. Un truc où on allait comprendre. Mais on te met les prémices, on te met les premiers éléments, c'est tout. Bah, dans ce cas-là, tu le mets pas le méchant principal. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un backdoor pilot. C'est. pour faire le spin-off NCIS, qu'est-ce que tu fais? Tu introduis les héros de NCIS dans JAG, et ensuite ils ont leur propre spin-off. Là, c'est pareil. On a introduit deux nouveaux personnages qui sont totalement inconnus, Hawkman et Hawkgirl. Oui, mais il y en a que deux, et tu vois absolument. Les autres, tu les connais déjà. Aucun rapport pour l'instant entre tous les personnages de Flash et Arrow qui vont former Legends of Tomorrow. Pour moi, ils ont. Là, on va te l'expliquer dans le pilote de Legends of Tomorrow. Il faut en garder un petit peu quand même. On l'a déjà expliqué dans la bande-annonce. Hein. Pour moi, c'est. Bon, d'une, c'est raté pour ce que j'ai dit, dans le sens où les personnages agissent contre. Enfin, il y en a pas mal qui font complètement le contraire de ce qu'ils auraient fait s'ils étaient dans leur série à eux. Ça m'a. Voilà. On parlera pas d'Oliver qui est qu'un vrai bonnet dans ce double épisode. Ah, c'était affreux l'histoire du gosse. C'est surtout dans le deuxième partie. On va pas en parler là. Mais c'est dans l'épisode de Flash. Ah bon, je pensais que c'était souvent la partie Arrow. L'épisode de Flash où après la mère au café. Oui, mais cette partie-là, elle est surtout développée après. Ah bah. Dans Arrow. Moi, je trouve que vous allez surtout développer dans la partie Flash, puisqu'au final, tout se passe avec. Ah bah, quoique, non, en fait. Non, c'est après. Ah oui, merde, c'est après. Pardon, excusez-moi. Voilà. Moi, je vois Legends of Yesterday, Legends of Today. C'est donc censé me donner envie d'aller voir Legends of Tomorrow. Mais alors, non, hein. je trouve que je suis assez d'accord, surtout qu'en plus, c'était en deux parties, donc. Voilà, enfin ça donnait un petit peu un truc un peu long, un peu longuet, bon, et puis ça met du temps à se mettre en place. C'est vrai que les personnages, enfin bon, ok, il fallait introduire Hawkgirl et Hawkman, mais Hawkman, enfin ce mec manque de charisme, mais puissance 10, il est presque pas intéressant. Et puis surtout, enfin je veux dire, bon, il faut te libérer, d'accord, certes, mais enfin lui répéter trois fois dans l'épisode, saute du haut de l'immeuble et tu verras tes ailes qui se déploient. Je veux bien qu'il y ait une petite dose de second degré et tout ça, mais à un moment, faut pas non plus trop se foutre de notre gueule. Cisco est un peu complètement genre traîné par, est plutôt traîné vers le bas par cette idée de Kendra qui sait pas trop quoi faire et tout, puis qui finalement, de manière logique entre guillemets, mais avec plein de guillemets, selon un ton comics, va finalement rester avec Hawkman et rompre avec Cisco. Oliver, histoire du gosse, on en a parlé, c'est complètement raté. C'était pas très engageant, enfin ça donne par rapport notamment, enfin le trailer de Legends of Tomorrow, le premier, est plus engageant que ces deux épisodes qui auraient dû être beaucoup plus punchy, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus représentatif de ce qu'on va avoir, quoi. C'est censé nous donner l'eau à la bouche, et au final on a l'impression de voir le crossover de l'année dernière avec un ou deux personnages de plus pour dire bon, là ça change un petit peu, quoi. C'est aussi la différence entre ces deux crossovers, c'est que les autres là, ils étaient vraiment, enfin celui de l'année dernière était vraiment spécifique à ces deux séries, et celui-là il est spécifique à une troisième série, et enfin c'est plus du tout le même ton. Voilà. Bon, de toute façon, on a parlé de ce crossover dans le débrief d'Arrow, donc on va essayer de pas trop faire de doublons non plus. Et puis, ça fait longtemps qu'on a commencé cette émission sur Flash, hein, aussi. Ouais. Donc, on va se frustrer, on va s'arrêter là. Nous, on va se buter à pas être d'accord. Ah, mais de toute façon, il y a plein de choses sur lesquelles on sera, à mon avis, pas d'accord jusqu'à la fin. Sur quelle série on est d'accord, généralement? Gotham. Non, Jones of Shield, ouais, c'est peut-être la seule. Non. Irish. Jessica Jones, qui est la rigueur. Voilà. Ouais. Vous avez tous mis d'accord. Voilà, et oui. Powers The Strain, bien sûr. On retrouvera Flash une fois qu'elle sera revenue. On se retrouve mardi pour... Alors, mardi, ce sera le mag. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, sur nos écrans, numéro 38. Si je ne m'abuse, on parlera de zombies. Oui. Si, quand même. D'ici là, évidemment... Bonne lecture, bonne série surtout, et à bientôt. Salut.